Pouvoir se dit können. Können, bien. Können, c'est pouvoir. Comment diriez-vous il ne pourra pas trouver ça? Il ne pourra pas le trouver. Er wird, oui, donc il ne pourra pas le trouver. Er wird es nicht finden können. Er wird es nicht finden können. Oui. Et maintenant, comment direz-vous il ne pourra pas vous le dire car il ne le sait pas? Er wird nicht sie ihnen sagen können. Vous avez oublié le cela. Ah, er wird, oui. Donc, il ne pourra pas vous le dire. Er wird es nicht ihnen sagen können. Bien. Er wird es nicht ihnen sagen können. Là, en plaçant nicht juste devant ihnen, vous insistez sur la négation de ihnen. Ce n'est pas à vous qu'il pourra le dire. Sans cette insistance, on aurait Er wird es ihnen nicht sagen können. Il ne pourra pas vous le dire. Et maintenant, voyons la fin de la phrase. Car il ne le sait pas. Denn Er weiß es nicht. Bien. Denn er weiß es nicht. Ou denn signifie car, dans le sens de parce que. Donc, on a denn er weiß es nicht, qui signifie car il ne le sait pas. Ou parce qu'il ne le sait pas. Savoir, c'est wissen. Et je sais se dit ich weiß. Ich weiß. Et on emploie la même forme weiß pour dire il sait. Er weiß. Er weiß. Oui. Mais tu sais se dira du weißt. Du weißt. Tout à fait. Revenons à la fin de notre phrase parce qu'il ne le sait pas. Denn er weiß es nicht. Mais si, au lieu de denn, vous employez weil, ça donne? Weil er es nicht weiß. Weil er es nicht weiß. C'est ça. Et encore une fois, pour il ne pourra pas le faire, vous direz er wird es nicht tun können. Können. Können. Können. Er wird es nicht tun können. Dans cette phrase, er wird es nicht tun können, il ne pourra pas le faire, si vous voulez insister sur ce qu'il ne pourra pas faire, donc sur cela, das, alors il vous faut placer das en début de phrase. Cela, il ne pourra pas faire. Mais dans ce cas, vous devez inverser er et wird, car l'allemand aime garder le verbe en deuxième position dans la phrase. Et si nous disons « das er wird », alors nous avons le verbe en troisième et non en deuxième position. Alors, comment direz-vous « cela, il ne pourra pas faire » en insistant sur « cela », sur « das »? « Das wird er nicht tun können. » Exact. « Das wird er nicht tun können. » Cela, il ne pourra pas le faire. Mais si vous ne voulez pas particulièrement insister sur cela, alors on revient à la phrase de départ, avec « il » en début de phrase. Il ne pourra pas faire cela. Er wird das tun. Il ne pourra pas faire cela. Er wird das nicht tun können. Bien. Er wird das nicht tun können.